Bonjour à tous, chers amis de la langue française, et bienvenue à FrenchPod. Bonjour tout le monde, on a une superbe leçon à vous présenter aujourd'hui. Donc moi c'est Amaury Libert. Et moi c'est Christella, il a même dit son nom de famille, excellent. Cette leçon avancée qui concerne le monde de la mode. Oui, et notamment un personnage extrêmement important. Qui est Coco Chanel. La fameuse Coco Chanel. Dont on connaît évidemment la maison de couture. Chanel. Oui. Tout simplement. Mais l'entreprise Chanel ne fait pas que ça. Également des parfums, des produits de beauté. Donc c'est vraiment énorme. Tout à fait, c'est une véritable réussite. Donc aujourd'hui on va parler de Coco Chanel, ce monument de l'histoire de la mode, il faut le dire, surtout la mode du XXe siècle. Elle a vraiment révolutionné les codes, les habitudes, aussi la conception de la féminité. Enfin, elle a fait vraiment beaucoup de choses pour les femmes et la mode, évidemment. Et donc, c'est ce qu'on verra dans la suite du podcast où nous serons heureux d'en parler. Mais avant, nous allons écouter ce monologue qui résume sa vie. Née en 1883, Gabrielle Bonheur Chanel perdit sa mère, morte de tuberculose, à l'âge de 12 ans. Elle fut ensuite abandonnée, elle ainsi que ses deux sœurs, par son père. Elle grandit dans un couvent en Corrèze où elle apprit la couture, enseignée par les religieuses. En 1908, Gabrielle change de nom et devient Coco, chanteuse de music hall. L'année suivante, Coco Chanel ouvrit un atelier où elle put faire évoluer son esprit créatif. Elle crée et modifie des chapeaux qui plaisent aux mondaines. En 1910, grâce au fonds de son amant Boy Capel, elle s'installe au 21 rue Cambon à Paris et ouvre sa boutique de vêtements haute couture, Chanel Mode. En 1916, l'un de ses modèles est publié dans Harper's Bazaar. Cette consécration lui permet de rembourser Boy Capel et de prendre son indépendance. Tout s'enchaîne alors. Elle annexe les numéros 27, 29 et enfin 31 de la rue Cambon, où se trouve toujours la maison de couture qui porte son nom. En 1921, celle qui a dit « Une femme sans parfum est une femme sans avenir » lance le célèbre numéro 5 qui entra dans la légende grâce à Marilyn Monroe qui le portait pour dormir. Sa fameuse petite robe noire qui apparaît dans chacune de ses collections devient un classique baptisé la Ford de Chanel. Le confort, la liberté de mouvement et le modernisme caractérisent ses collections. Ainsi audacieuse, elle inventera le pantalon, le tailleur, la jupe courte, les bijoux fantaisie, libérant les femmes des contraintes que sont le jupon, le corset et réinventant le concept de féminité. Mademoiselle fut surnommée la créatrice la plus influente du XXe siècle lorsqu'elle remporta l'Oscar de la mode en 1957. Les créations de la maison étaient le reflet de la personnalité de Coco Chanel, femme indépendante, libre, moderne. Elle ne se maria d'ailleurs jamais. Mais elle eut un certain nombre d'amants, dont le duc de Westminster. Son tailleur en tweed, qui fut notamment porté par Jackie Kennedy en 1963, est de nos jours encore considéré comme un symbole du chic indémodable. Le parfum Chanel numéro 5 est aujourd'hui le parfum le plus vendu dans le monde. Quelle vie a mené cette femme ? Une vie extrêmement passionnante, extrêmement mouvementée, et une vie d'ailleurs qui a commencé vraiment de manière difficile, étant donné qu'elle a perdu sa mère à l'âge de 12 ans, et qu'elle fut ensuite abandonnée, elle ainsi que ses deux sœurs, par son père. Oui, elle était encore jeune. Et donc on voit ce morceau de phrase ici, où comme tu dis, elle a été abandonnée, elle, ainsi que ses deux sœurs, par son père. Oui, c'est une structure très française. On aime beaucoup, comme ça, découper les phrases, jouer avec les mots, changer l'ordre des mots. Et en rajouter. Exactement. Et donc, même si ça vous paraît un peu étrange, sachez que c'est vraiment très courant en français. Par exemple, on pourrait dire « Petite, elle était gardée, elle, avec ses deux frères, par une babysitter anglaise. » Tout ça pour dire « Petite, elle était gardée par une babysitter anglaise, elle, de même que ses deux frères. » Oui, ça veut dire exactement la même chose. Et donc, elle a atterri dans un couvent. Tout à fait. Le couvent, l'institution catholique où vivent des religieuses, des nonnes. D'accord. Donc, elle a passé une partie de sa vie dans une atmosphère religieuse. Tout à fait. Où justement, elle portait beaucoup des vêtements noirs, la fameuse robe noire. D'accord. Et ce couvent était en Corrèze. En fait, la Corrèze, c'est un département français. Mais elle n'a pas passé toute sa vie dans cette atmosphère religieuse, puisque, de par ses fréquentations, elle a été amenée à venir à Paris et, au début de sa carrière, connaître le milieu mondain. Tout à fait, elle a commencé à créer et à modifier des chapeaux qui, justement, plaisaient aux mondaines, aux femmes du monde de classe plutôt aisée. Ce qui est toujours bon, quand on est dans le milieu de la mode, si on peut se faire des connaissances dans le milieu mondain, dans le milieu des gens aisés, chics, cela aide énormément à mon avis. Évidemment, puisqu'il y a ce qu'on appelle en français le bouche à oreille. Donc les gens, ils en parlent beaucoup quand ils aiment quelque chose. Ils disent, ah oh oui, j'ai acheté un joli chapeau, là, c'est une petite créatrice, là. Il est vraiment bien sympa, très très bien fait. C'est qui? Et c'est qui? Bah, il s'appelle Coco Chanel. Ah bon, je connais pas. Voilà. Et ben, tu me conseilles? Bah oui, je te recommande vraiment ces collections de chapeaux, elles sont très intéressantes. Je crois que son adresse est telle et telle adresse. Très bien, c'est par là que ça commence, en fait. Et c'est comme ça que tout commence. Mais c'est quand même ses qualités, son talent, qui sont à la base de son succès. Tout à fait, son succès qui a été reconnu d'ailleurs par le magazine Harper's Bazaar. Et c'est de là, en 1916, que tout a véritablement commencé pour Coco Chanel. Et alors, comment il a pu l'aider, ce magazine? Eh bien, en fait, c'était un magazine de mode. Le Harper's Bazaar était un magazine qui était vraiment une référence à l'époque en matière de mode. Et donc, ça a été la consécration pour Coco Chanel. Donc, comme c'était une référence, comme tu dis, c'était une consécration. Ça a été la reconnaissance par le milieu professionnel, par les professionnels de la mode, qu'elle avait du talent. Tout à fait. Et c'est ce qui lui a permis, justement, d'être lancée et de prendre son indépendance. Et à partir de là, tout s'enchaîne. Alors quand on dit tout s'enchaîne, ça vient du fait que quand des choses s'enchaînent, elles se suivent les unes les autres. Et quand on dit tout s'enchaîne alors, ça signifie que c'est de là que tout part. Beaucoup de choses s'en sont suivies, beaucoup d'événements sont arrivés. Sa carrière s'est alors accélérée. D'accord. Oui, donc son entreprise est devenue de plus en plus grande. De nouvelles boutiques se sont ouvertes vendant ses collections. Elle a aussi lancé un parfum en 1921, le fameux Chanel numéro 5. Ouais. Et c'était la toute première à faire ça. La première femme, tu veux dire? La toute première créatrice de mode a aussi lancé une ligne de parfum. Ce fameux parfum Chanel numéro 5, qui est devenu vraiment très connu après que Marilyn Monroe ait répondu à la question « Qu'est-ce que vous mettez pour dormir ?» Chanel numéro 5. À mon avis, ça a vraiment aidé aussi pour la promotion de ce parfum. Je pense aussi. Et puis, Mademoiselle ne s'est pas arrêtée à là. Et pourquoi tu l'appelles Mademoiselle, au fait? C'est l'un des surnoms de Coco Chanel. D'accord. Et elle était vraiment audacieuse, moderne. Elle souhaitait libérer les femmes, en fait, de toutes les contraintes qu'elles avaient au début du XXe siècle, notamment le corset, le jupon. Le confort et la liberté de mouvement, de même que la classe, était sa ligne directrice. Donc elle s'est inspirée de ses divers voyages et de toutes les observations qu'elle a faites pour inventer des vêtements tels que le pantalon, le tailleur, la jupe courte. Tu veux dire pour les femmes, parce qu'elles ne portaient pas ce genre de vêtements avant elle. Tout à fait. C'est d'ailleurs pour cette raison que lui fut décerné l'Oscar de la mode en 1957 et qu'à ce moment-là, elle fut appelée la créatrice la plus influente du XXe siècle. Qui est une autre sorte de consécration. Tout à fait. Alors là, c'est le moins qu'on puisse dire. Créatrice la plus influente du XXe siècle, c'est le titre suprême, je pense. Donc c'était une créatrice de mode. Et un créateur de mode, une créatrice de mode, c'est quelqu'un dont la profession est de créer, d'inventer des vêtements. Par exemple, Yves Saint Laurent est un créateur de mode. Christian Dior également est un créateur de mode. Sonia Riquel est une créatrice de mode. Et en tant que créatrice la plus influente du XXe siècle, Mademoiselle a créé des vêtements tels que le tailleur en tweed, qui est encore aujourd'hui considéré comme un symbole du chic indémodable. Donc ce chic indémodable. Indémodable, j'aime beaucoup cet adjectif. Enfin, il a vraiment sa place ici dans la leçon sur Coco Chanel. Ça vient de l'adjectif démodé, oui. Qui veut dire que quelque chose n'est plus à la mode. D'accord. Et justement, indémodable, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne peut pas devenir démodé. Intemporel un peu. Intemporel, quelque chose qui ne se démodera jamais, quelque chose qui sera toujours en vogue. Et donc elle a inventé ça, Coco Chanel, le chic indémodable. Pas mal. Pas mal du tout. Et bien si on réécoutait le monologue d'aujourd'hui, et si on écoutait à nouveau tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle a offert aux femmes, cette Coco Chanel. Née en 1883, Gabrielle Bonheur Chanel perdit sa mère, morte de tuberculose, à l'âge de 12 ans. Elle fut ensuite abandonnée, elle ainsi que ses deux sœurs, par son père. Elle grandit dans un couvent en Corrèze où elle apprit la couture, enseignée par les religieuses. En 1908, Gabrielle change de nom et devient Coco, chanteuse de music hall. L'année suivante, Coco Chanel ouvrit un atelier où elle put faire évoluer son esprit créatif. Elle crée et modifie des chapeaux qui plaisent aux mondaines. En 1910, grâce au fonds de son amant Boy Capel, elle s'installe au 21 rue Cambon à Paris. et ouvre sa boutique de vêtements haute couture, Chanel Mode. En 1916, l'un de ses modèles est publié dans Harper's Bazaar. Cette consécration lui permet de rembourser Boy Capel et de prendre son indépendance. Tout s'enchaîne alors. Elle annexe les numéros 27, 29 et enfin 31 de la rue Cambon, où se trouve toujours la maison de couture qui porte son nom. En 1921, celle qui a dit « Une femme sans parfum est une femme sans avenir » lance le célèbre numéro 5 qui entra dans la légende grâce à Marilyn Monroe qui le portait pour dormir. Sa fameuse petite robe noire, qui apparaît dans chacune de ses collections, devient un classique baptisé la Ford de Chanel. Le confort, la liberté de mouvement et le modernisme caractérisent ses collections. Ainsi audacieuse, elle inventera le pantalon, le tailleur, la jupe courte, les bijoux fantaisie, libérant les femmes des contraintes que sont le jupon, le corset et réinventant le concept de féminité. Mademoiselle fut surnommée la créatrice la plus influente du XXe siècle lorsqu'elle remporta l'Oscar de la mode en 1957. Les créations de la maison étaient le reflet de la personnalité de Coco Chanel, femme indépendante, libre, moderne. Elle ne se maria d'ailleurs jamais, mais elle eut un certain nombre d'amants, dont le duc de Westminster. Son tailleur en tweed, qui fut notamment porté par Jackie Kennedy en 1963, est de nos jours encore considéré comme un symbole du chic indémodable. Le parfum Chanel numéro 5 est aujourd'hui le parfum le plus vendu dans le monde. Nous voici de retour. Alors, il est vraiment intéressant de parler de Coco Chanel, car c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Elle avait un caractère et une personnalité unique, une personnalité très forte. Elle avait un franc-parler qui était assez rare à l'époque, surtout pour une femme. Et elle était audacieuse, c'était vraiment ce qui la caractérisait le plus. Moi, je me souviens avoir vu des interviews d'elle par des journalistes. Oui. Et à cette époque-là, on attendrait d'une femme qu'elle utilise des métaphores ou qu'elle essaye d'être polie pour avoir une belle image. Mais Coco Chanel n'était pas du tout comme ça. Elle disait vraiment ce qu'elle pensait de manière franche, directe. Elle disait ce qu'elle voulait. Sa personnalité se retrouvait vraiment dans ses collections, vu que beaucoup de ses inventions, beaucoup de ses créations étaient vraiment très audacieuses à l'époque. Elle a bouleversé, elle a révolutionné le monde de la mode. Tout à fait, tout à fait. Et encore aujourd'hui, et je pense que ça va être le cas pour des siècles et des siècles à venir, elle est vraiment une référence dans le milieu de la mode. Il y a très peu de créateurs qui peuvent se vanter d'avoir inventé, créé, révolutionné autant que Coco Chanel l'a fait. D'ailleurs, c'est incroyable parce que ce nom Chanel est connu vraiment dans le monde entier. C'est vraiment une institution, un fleuron de l'industrie française. Tout à fait. Cette femme était tellement une référence dans le milieu de la mode que les plus grandes de ce monde, que les grandes actrices, lui demandaient son avis. Coco Chanel, dès le début des années 30, est devenue la conseillère de stars, par exemple de stars comme Greta Garbo, Marlène Dietrich, ou bien Jackie Kennedy même. Tout ça, c'est venu à force de travail. Elle adorait son travail, elle y consacrait beaucoup de temps. Oui, c'était une acharnée de travail, et ce jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'au jour de sa mort, le 10 janvier 1971, où ce jour-là, elle avait aussi travaillé. Et ce qu'il y a de bien, c'est que malgré sa mort, la maison Chanel a perduré, la maison de couture a perduré et a continué à avoir du succès. Et oui, puisqu'en 1983, Karl Lagerfeld, cet éminent couturier, a intégré la maison Chanel. Et lui aussi, comme il est un créateur fabuleux, il a su conserver les codes de la maison Chanel et a conservé le style qui était si cher à Mademoiselle, à Coco Chanel, tout en imposant son propre style. Et grâce à ça, la maison Chanel a trouvé un véritable héritier et continue à avoir beaucoup de succès. Très bien, en tout cas, moi j'en ai appris beaucoup aujourd'hui. Ça m'a beaucoup plu d'avoir une leçon sur la mode et j'espère qu'on en aura encore. Et puis, je voudrais faire une dédicace à ma maman sur cette leçon parce que ma maman aimait beaucoup le style de Madame Chanel et je sais que ça lui fera plaisir qu'on ait fait une leçon sur elle. Oh, c'est joli ça. Voilà, on vous dit à bientôt. Et on se retrouve pour la prochaine leçon avancée. Salut.